reprendre les catégories de droit, comme je les avais abordées la fois dernière, puisque mon propos cette année, c'est d'essayer de voir le droit d'auteur, d'abord par le droit international, j'ai un peu changé ma méthode d'enseignement cette année, on verra ce que c'était, d'abord donc par le volet droit international, et ensuite comparer avec le droit national. Donc on va terminer, passer cette année peut-être plus de temps sur le droit international que je ne le fais les autres années, puis je vais aborder avec vous le droit national et je ne cherche pas à comparer. Parce qu'à chaque fois, le droit d'auteur national a été nourri essentiellement du droit d'auteur international. Donc comme il y a des étudiants qui viennent d'autres États membres, ou des étudiants aussi, c'est peut-être plus intéressant de voir la matière par le haut. Ça correspond malgré tout à l'histoire du droit d'auteur et à l'évolution du droit d'auteur. Pour le coup, maintenant, on a un trimestre qui est extrêmement court. J'ai annulé un de mes cours, je vais voir vous en redonner un, un tout petit peu de tâche, parce que des disponibilités, ce n'est pas évident. Donc, puisque vous êtes des étudiants de plusieurs facultés, c'est extrêmement compliqué de faire agencer les agendas. Donc, je maintiens toutes mes moi-même en plus cours le vendredi, dispensant d'autres cours dans d'autres facultés, indépendamment de vos propres horaires. Donc, ce que je fais, je maintiens, les étudiants m'ont interrogé sur la question de savoir si je maintenais mon cours du 9 à la date, à l'heure habituelle, oui. Je ne sais pas faire autrement, vu les contraintes respectives de tous les étudiants. Et je vais ajouter une séance la semaine prochaine et la semaine d'après, parce qu'on a eu la Sainte-Parade qui nous a aussi fait perdre un vendredi. Donc, il y a beaucoup de vendredis qui sont tombés, malheureusement, cette année, les congés aussi, tout ça. Donc voilà, j'ai encore besoin quand même de 4 cours pour aboutir dans la matière, pour que vous ayez une vision claire de la matière. Pas avec les deux cours qui me restent, je vais pouvoir, à moins que d'aller très très vite et vous donner beaucoup de lectures, ce qui n'est pas le but de l'enseignement, j'ai quand même besoin de encore deux bonnes heures, enfin deux bonnes séances pour terminer la matière. Donc, pour ce qui est de la semaine prochaine, je ne pense pas pouvoir vous donner cours pendant l'heure du midi, que j'ai moi-même réunion. La semaine qui suit, oui, je pourrais vous donner cours probablement le mardi midi. Je vais le faire afficher. Mais je dois trouver une solution pour la semaine prochaine. Comme vous êtes là et que les différentes facultés sont présentes, c'est peut-être plus simple de voir directement avec vous que de passer par les secrétariats, sans perdre trop de temps, ni que ça devienne trop cacophonique. Il suffit d'imposer des choses sur les dates pour que ça parte dans tous les sens. Est-ce que vous avez cours, par exemple, de 8h30 à 10h ou pas, et, ou est-ce que vous avez cours de 10 à midi, auquel cas je pourrais me préférer tôt le matin, de 8h30 à 10h. En général, les étudiants n'en ont pas, mais moi non plus. Je trouve que donner cours à 8h30, ça ressemble à une audience, donc c'est toujours difficile de partir beaucoup plus tôt pour arriver jusqu'ici. Mais bon, s'il faut, je le ferai. Donc c'est les seules possibilités, ou peut-être un jour d'une heure le jeudi. Est-ce que un cours le jeudi de la semaine prochaine, je pourrais vous donner cours de 13 probablement à 14h30. Est-ce que vous avez cours l'après-midi? Non, on n'a plus cours. Vous n'avez plus cours? Enfin nous, en gestion culturelle. Gestion culturelle. Et droit? Ce serait bon. Bon, mais ça c'est pas mal alors. Parce que j'ai un rendez-vous à Mons, le temps de rendre de Mons, je pourrais vous voir. Bien, et bien ça, je pense qu'alors on a les séances. Parfait. Parfait. Donc je vais essayer de trouver un local. Je vais vous envoyer faire on va voir un peu ce qu'on peut faire. Bien, alors je reviens à la Convention de Berne. Ensuite, on verra la Convention. On va faire toutes les conventions, on va terminer les conventions internationales. L'essentiel pour moi, c'est la Convention de Berne. Parce que peut-être qui a influencé la législation belge essentiellement. La Convention de Rome, je la verrai pour que vous compreniez les concepts. Et l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, il faut le voir, mais beaucoup moins dans le détail, parce qu'il a beaucoup moins influé sur le droit national. Néanmoins, il vous donne une meilleure compréhension de la situation internationale, et notamment de l'accord CETA. Il va de l'accord CETA, mais c'est, je dirais, c'est l'antichambre de l'accord CETA. Donc c'est bien que vous ayez des éléments à pour la Convention de Berne, j'avais vu avec vous la notion d'œuvre, j'avais évoqué la notion d'auteur, en disant qu'il y a une présomption d'auteur qui est la personne qui correspond à la personne. Et j'avais, dans le minimum conventionnel, déjà abordé la question des droits moraux, comme vous avez entendu en langue assez détaillée, et j'abordais, sans erreur de ma part, le droit de reproduction. Je pense que vous l'avez abordé. Donc, je vais peut-être juste développer en fin de cours très rapidement. Mais je vais reprendre le droit de reproduction parce qu'il a, il est important pour comprendre le droit belge, la législation nationale. Qu'est-ce qui a été décidé en matière de droit de reproduction? Petit rappel à propos du droit de reproduction, du droit de représentation. Comme je vous l'ai exposé, ce sont des droits qui, en définitive, étaient bien distincts dans les conventions internationales, qui ont été adoptées à la fin du siècle, mais qui étaient également présents et distincts dans les décrets révolutionnaires, mais qui, au fil de l'eau et avec le développement des technologies, vont perdre de leur, si je puis dire, de leur distinction, dans la mesure où ce sont des droits qui vont de plus en plus, dans le cadre des exploitations qui sont faites, apparaître comme des droits qui se superposent. Je pense vous avoir donné comme exemple, parce que c'est un exemple très parlant, du cas de l'utilisation d'un programme d'ordinateur ou d'une œuvre qui se trouve sur un programme d'ordinateur. L'œuvre est stockée et ce stockage a pour impact d'une part de mettre en œuvre le droit de reproduction et d'autre part le droit de représentation. Pourquoi ? Parce que pour le droit de reproduction, on va stocker l'œuvre, on va reproduire l'œuvre sur le disque dur. Logiciel, vous installez un logiciel où vous allez le télécharger et le mettre sur votre disque dur. Donc là, vous mettez en œuvre votre reproduction, on reproduit l'œuvre, mais vous allez aussi faire des projections sur l'écran et là, vous mettez en œuvre ce qu'on va appeler le droit de représentation. Donc lorsqu'on a aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, des exploitations d'œuvres, on se trouve dans des phases où l'on ne distingue pas, où on ne peut pas toujours distinguer. Si le droit de reproduction quand intervient le droit de reproduction et quand intervient exactement le droit de représentation dans la chaîne d'exploitation. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a à la fois bien souvent reproduction, insertion sur un support ou sur le réseau, et d'autre part représentation par l'affichage qui va avoir lieu sur l'écran. Donc aujourd'hui, on fait moins dans la jurisprudence. On fait moins appel au droit à la distinction des droits. On va davantage envisager les droits comme des droits qui sont en réalité complémentaires et qui se superposent bien souvent dans l'exploitation. Alors, le droit de reproduction a donc eu pour, c'est la base du droit d'auteur, la possibilité pour l'auteur d'autoriser ou d'interdire la reproduction de son œuvre. C'est essentiel lorsque l'on envisage les modes d'exploitation des œuvres. Donc, toutes les catégories de figures d'exploitation des œuvres, vous avez presque toujours la mise en œuvre du droit de reproduction. Pour la représentation, pour ce qui est théâtre, on se trouve là dans un domaine peut-être un peu plus spécifique qui est lui qui peut-être met en œuvre le droit de représentation, mais même le livret, ce qui va sous-tendre la pièce de théâtre, va impliquer aussi va impliquer la mise en œuvre du droit de reproduction, puisqu'une pièce de théâtre est en général fixée sur un support matériel, il y a un livre, il y a une impression qui est minimale, mais qui sera néanmoins adaptée et reproduite par la suite pour la scène et le spectacle qui donneront lieu à une mise en forme à l'ordre matériel. Mais à la base, même dans le domaine général, on a une fixation en général matérielle jusque du texte de l'ordre. Donc le droit de reproduction, il est consacré par l'article 9 de la Convention de Berne en des termes très larges, parce qu'on a voulu donner au monopole de l'auteur une véritable ampleur. Donc l'auteur a le droit d'autoriser en quelque sorte toutes les formes de reproduction. De quelque manière, dirait la Convention, c'est souvent une expression qu'on trouve dans la Convention, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Donc l'auteur a le droit d'exercer son droit de reproduction, donc d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. C'est l'article 9, à bien la première de la Convention des Berne. Alors, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, dit déjà bien, de manière juridique, il précise bien que dès lors les modes d'exploitation sont larges. Les modes sont suffisamment larges, l'idée est d'essayer d'englober l'ensemble des modes de reproduction. Donc bien sûr, c'est l'impression graphique qui va être prise en considération. Bien sûr, c'est l'impression graphique, l'édition, mais c'est aussi le dessin. Cela peut être une forme de lithographie, ça peut être la gravure, cela peut être une photocomposition par d'autres techniques, des photocopies, des xerox, des enregistrements mécaniques ou magnétiques, sur disquette, sur cassette, sur du bande magnétique, sur microfilm. Ce sont donc toutes les formes de reproduction qui peuvent avoir lieu, quel que soit donc au fond le procédé connu ou, je dirais même, à découvrir, puisque c'est sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. Dès lors, lorsque, pour la mise en œuvre de l'Internet, on a reproduit les œuvres, il est certain que, contrairement à ce qu'on a dit parfois dans la doctrine, le droit de reproduction est applicable à l'Internet. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas appliquer dans le monde de l'Internet le droit de reproduction, parce que la Convention de Berne a été rédigée de façon extrêmement large pour justement englober une forme de neutre, qu'on va appeler la neutralité technologique en matière de droit d'auteur. Le concept de neutralité technologique est un concept souvent utilisé avec des tas de significations différentes. Donc faites attention si vous tombez sur la notion de neutralité technologique, si ça n'est pas nécessairement la même définition que celle du droit d'auteur. Pour le droit d'auteur, c'est vraiment le procédé. Le type de procédé, peu importe le type de procédé, c'est neutre. Comme en matière de droit d'auteur, peu importe, par exemple, que l'exploitation soit lucrative ou soit non lucrative, ça n'a pas d'impact en matière de droit d'auteur. Ce qui va compter, c'est l'exploiter de façon publique l'œuvre. L'exploitation privée, ça, on est dans une sphère d'un autre ordre. Mais tout ce qui est mis en circulation, c'est l'exploitation publique de l'œuvre, donne lieu à l'application du droit d'auteur. Donc une reproduction par des nouvelles technologies et en principe sur un support matériel tombe à tous les coups dans le minimum conventionnel. Et cette définition large de l'article 9, paragraphe 1er, va se retrouver dans la loi belge, comme nous le verrons, où le législateur belge aura aussi donné au droit de reproduction un champ assez large. Et le législateur belge, qui lui, aura par ailleurs eu également une contrainte d'une directive européenne en matière, qui elle-même a coordonné et harmonisé le droit de reproduction et donné sa propre définition. Donc le droit belge va à la fois refléter le droit européen à travers une directive européenne qui transpose, mais également l'article 9 de la Convention de Berne, qui lui-même a d'ailleurs implanté la directive européenne. Puisque dans l'ordre hiérarchique international, vous avez d'une part, au départ, dans l'histoire du droit d'auteur, vous avez le respect par les États de l'Union européenne de la Convention de Berne, antérieure aux directives, et le fait que la directive européenne ne peut pas aller à l'encontre des ratifications, des engagements internationaux pris par ces États. Donc, dans le cadre du respect en tout cas en ce qui concerne la Convention de Berne, dans le cadre du respect de la Convention de Berne, les textes de droit européen respectent l'acquis de Berne, à chaque fois. Ça, c'est le principe de la Convention de Berne. Pourquoi ? Parce que dans la Convention de Berne, vous trouverez une disposition qui dit que les États ne peuvent pas conclure, peuvent conclure des accords internationaux, mais ne peuvent pas conclure d'accords qui mettent en danger ou qui vont en deçà de ce que prévoit la Convention de Berne. Donc, qui affecte, si vous voulez, le niveau de protection accordé par la Convention de Berne. Ainsi, Berne a veillé à mettre un verrou sur les mouvements internationaux dans lesquels les États pouvaient être impliqués et sur les conventions internationales que les États pouvaient conclure. La Convention de Berne prévoit bien que si les États gardent la faculté de conclure d'autres accords, ce qui est la moindre des choses, néanmoins, ils doivent veiller à ce que ces accords tiennent compte du niveau international prévu par la Convention de Berne. Donc, au sein de l'Union européenne, tous les États membres ayant adhéré à la Convention de Berne, lorsqu'ils ont adopté des textes de droit européen, ont, pour respecter leur engagement international, veillé à adopter des normes qui soient conformes à la Convention de Berne. Ça va pour le mécanisme pour les non-chéristes ? On pourrait imaginer que des États membres de l'Union européenne se mettent d'accord sur des dispositions dans certaines matières qui ne correspondent pas nécessairement à leur engagement international. À ce moment-là, on pourrait imaginer que leur engagement soit un peu théorique, que les engagements internationaux soient dénoncés ou qu'il n'y ait pas nécessairement une contradiction entre les niveaux de pouvoir, c'est-à-dire le niveau européen et le niveau international. Mais néanmoins, ici, on a une disposition qui est excessivement claire et qui prévoit bien que l'on peut donc conclure des accords avec d'autres États, ou des accords internationaux, mais que l'acquis de Berne doit être respecté. Et on verra que ce n'est pas que théorique, parce que dans le cadre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, la question s'est posée. Certaines dispositions de cet accord, ou par exemple l'accord CETA, certaines dispositions de l'accord de CETA sont absolument pas en ligne avec la Convention de Berne. Donc on aura d'emblée un conflit qui devra faire l'objet d'une interprétation. Soit les États violent Berne, ce qui paraît alors inconcevable dans le cadre de Berne, soit les États respectent Berne, et dans ce cas, Berne restera applicable et viendra corriger certaines dispositions de l'accord CETA. Encore faut-il que l'accord CETA réserve, quant à lui, une bonne application de la Convention de Berne. Donc, si ça est à vérifier, ça je ne l'ai pas encore étudié. C'est juste pour vous expliquer qu'on a du travail dans cette matière. Ce n'est pas le travail qui va manquer vu on a encore découvert plus de 1000 pages de réserve de l'accord CETA, ce qui va nous donner beaucoup de discussions, sans doute, et pas mal d'analyses. Donc le mode de reproduction, peu importe le mode de reproduction, on met en œuvre le droit d'auteur. Alors la reproduction, classiquement, donc n'implique pas la représentation, mais dans le cas des nouvelles technologies, comme je vous l'ai dit, la reproduction implique souvent la mise en œuvre du droit de représentation. Dans les arts classiques, ce n'est pas le cas. Dans les nouvelles technologies, c'est souvent le cas. J'appelle l'art classique, c'est donc l'art plus... La peinture, les arts traditionnels, indépendamment de la forme d'exploitation. Ce qui est intéressant dans cette convention internationale, c'est qu'elle va permettre néanmoins aux États d'introduire des limitations aux droits de reproduction. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? D'abord parce qu'on va, dans certains cas de figure, considérer que l'auteur n'a pas le droit d'autoriser la reproduction de son œuvre. Dans certains cas de figure, on va se trouver confronté au fait que les négociateurs de Berne ont souhaité privilégier, d'une manière ou d'une autre, certaines valeurs légitimes, comme le droit à la liberté d'expression, ou comme le droit de citation, comme donc une série de valeurs tout aussi légitimes que celles qui président à la protection de la propriété intellectuelle. Et ces valeurs vont limiter du coup, par des dispositions légales, vont être amenées à limiter le monopole de l'auteur. Et pour pouvoir réduire le monopole de l'auteur, les États ont veillé à introduire un régime d'exception, l'article 9, paragraphe 2, qui est important. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver ce modèle d'exception dans les autres accords internationaux et on va le retrouver dans le droit national. Donc là aussi, CEPER va ouvrir la porte à la rédaction de l'exception et qui va mettre déjà certains verrous dans la façon dont les exceptions peuvent être appliquées, des verrous qui seront libellés à travers des critères juridiques assistés. Et ces verrous, on va également les retrouver, ces mêmes verrous, dans les directives européennes. Donc on va avoir ce texte de droit international, l'article 9, paragraphe 1, paragraphe 2, qui va déteindre sur le droit national, mais qui va aussi déteindre, comme je vous l'exprimais, sur les travaux internationaux et sur les travaux de l'Union européenne. Alors, que dit l'article 9 aliénat 2 ? L'article 9 met des verrous, mais il ne sacrifie pas le droit de reproduction à l'exception. Donc, ce sera aberrant. On aurait énoncé un droit dont l'on viderait complètement de son contenu par l'exception. Je dirais que dans le régime anglo-saxon, on a parfois cette mécanisme. Pour ceux qui sont un choix, c'est des étudiants qui font de la commune law ici. Vous avez, c'est toujours, non, il n'y en a pas. Mais c'est toujours très important quand on travaille dans des textes de commune law de bien lire tout le texte. Parce que dans les textes de droit continental, en général, lorsqu'on met un principe, c'est le principe s'applique, l'exception est normalement bien mentionnée et elle est identifiée. Dans les systèmes anglo-saxons, c'est souvent l'inverse. On a un principe, mais il est souvent vidé de son contenu par tout ce qui suit. Donc c'est beaucoup plus formel que notre façon de travailler dans le domaine continental. Alors l'exception est déjà sous verrou, donc on va voir quels sont les verrous, pour ne pas vider de son contenu le principe. Et l'exception, comme c'est la règle en droit, est d'interprétation restrictive. Ça veut donc dire que dans le doute, si les conditions de l'exception ne sont pas respectées, c'est le monopole de l'auteur qui s'applique. C'est le même principe en droit national. Le droit national belge, enfin le droit belge et le droit national français, c'est pareil. Toute une série d'États membres de l'Union européenne, la règle est le monopole de l'auteur. L'exception est par définition une disposition qui s'interprète de manière restrictive par rapport au monopole. Donc pour vous, étudiants, lorsque vous êtes confrontés à une situation, vous avez un doute. On vous interroge et que vous avez un doute sur la question de savoir est-ce que l'exception en matière de droit d'auteur, par exemple la citation, est-ce qu'on est vraiment dans un cas de citation d'après les dispositions légales, est-ce qu'on est dans un cas de liberté d'expression, par exemple pour un cas de liberté d'exception pour liberté d'expression, ce sont les citations pour des raisons d'actualité. Le compte-rendu d'éléments d'actualité n'est pas nécessairement soumis au droit d'auteur. On peut considérer que pour des raisons de compte-rendu d'actualité, on doit pouvoir montrer des œuvres, on doit pouvoir étayer un reportage d'œuvres. Ça, je le verrai avec vous, mais cette exception-là, dans le doute, si vous avez un doute sur cette exception, la règle que vous appliquerez, c'est la protection restrictive. C'est en cas de doute, c'est le monopole qui va prévaloir. C'est un réflexe à avoir, qui est essentiel en matière de droit. Alors, que dit l'exception ? Quels sont les verrous dans l'exception ? Les États vont avoir une certaine flexibilité. Donc, ils gardent la faculté, dira l'article 9 alinéa 2, ils gardent la faculté de permettre la reproduction des œuvres dans certains cas spéciaux lorsque la reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Donc, dans certains cas, les États ont la faculté totale de reproduction de l'œuvre, sans l'accord de l'auteur, mais les deux verrous, ça ne peut pas porter atteinte à l'exploitation, la reproduction ne peut pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Et on a vraiment soigneusement réfléchi à la façon de diriger l'exception. Pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, il y a la notion d'exploitation normale, c'est important dans le droit, ni causer causer un préjudice injustifié, et le mot injustifié est important, aux intérêts légitimes de l'auteur, le mot légitime est important. On trouve, ce sont des mots, chaque chose, les mots sont importants en droit. Donc, chaque chose est, chaque mot va servir de l'exception, va permettre d'appliquer et de raisonner sur l'exception. Ce sont des mots, ce sont des conditions qui s'ajoutent, qui sont cumulatives, qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors, est-ce que vous avez des exemples à l'esprit d'exploitation qui porterait atteinte au monopole de l'auteur, à l'exploitation normale de l'œuvre, ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur? Donc, imaginons qu'un législateur introduise une limitation au droit de reproduction, vous voulez dire qu'il libéralise le droit de reproduction dans certains cas, et que l'on estime que. Et il introduit donc une exception au droit de reproduction. En estimant qu'il est bien dans les critères d'exploitation normale de l'œuvre, que ça ne peut pas atteindre à l'exploitation normale de l'œuvre et que ça ne pose pas un préjudice aux intérêts injustifiés, aux intérêts légitimes de l'auteur. C'est plus en imagination générale, donc est-ce que vous pouvez vous donner un exemple d'application de ça? Dans quel cas, à votre avis, un État un État aurait pris une mesure, vous donnez un exemple de mesure que l'État aurait pris, et vous dites, voilà, ça pourrait être contraire à l'article 9.2 de la Convention. Utiliser une œuvre pour de la propagande, peut-être, reproduire une œuvre pour faire une propagande, je ne sais pas, pour un parti. Alors, ici, on travaille, donc, on est dans l'exploitation par un particulier. C'est l'État qui autorise, donc ici la Convention de Berne rassemble les États et elle autorise les États, donc elle amène les États à consacrer le droit de reproduction étendue et elle les autorise à prendre des exceptions. Donc il faudrait donner un exemple d'exception que l'État prendrait dans sa législation. C'est-à-dire vous donner un exemple d'exploitation. J'aimerais bien un exemple d'exception qu'un État prendrait. Donc, on est juste inverse. Donc, c'est-à-dire que l'État, une exception en droit, donc la règle, c'est pour ça que je vous interroge pratiquement pour voir si le sujet de question culturelle, là, enfin, je crois qu'il suit assez vite parce que c'est là que c'est décliqué dans le monde. Mais je veux m'assurer que vous avez bien compris le principe qu'on est dans le droit de reproduction, on le met en œuvre, ça veut dire que c'est soumis au monopole de l'auteur, il faut l'accord de l'auteur. Donc, pour reproduire l'œuvre, on sollicite l'accord de l'auteur, mais dans certains cas de figure, le législateur peut déroger à ce principe, mais il doit respecter des verrous, c'est-à-dire ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Donc lorsque le législateur, pour dire les choses autrement, va légiférer, par exemple le Belge va introduire une exception, il doit vérifier dans les travaux parlement qu'il répond bien aux conditions strictes de la Convention, qu'il ne va pas trop loin. Ça va? Jusque-là, c'est comme ça, je... Est-ce que vous avez une idée? Oui? J'entends pas. Ah oui, mais des fois, il est plus loin. Donnez-moi un exemple. Oui, l'intérêt public, on peut prendre ça. Pardon? Donc, et ça nous conduira à quoi? La représentation. Oui? Oui, aller un peu plus loin. Un exemple concret. Alors, qu'est-ce que ça pourrait recouvrir, en fait, dans votre esprit? Donc, c'est un peu particulier ce que vous proposez, mais pourquoi pas? Pardon? C'est-à-dire qu'on puisse quoi? Donc, et qui se saisirait de cet intérêt public, dans votre exemple? Le grand public, sur les réseaux sociaux. Donc alors, c'est amusant, parce qu'on peut bien connaître dans une autre chose, tout à fait différente, de votre exemple est amusant. Donc, dans l'intérêt public, tous les citoyens pourrait reproduire. On n'aurait jamais imaginé que c'était là il y a 10 ans. Hein. Donc, pourquoi pas, c'est un bon exemple. Dans l'intérêt public, le législateur dirait, bon, qu'il accepte le droit de reproduction dans l'intérêt public et permettrait à tous les citoyens de reproduire un article de presse, publié donc dans un journal, parce que cela, comme il le souhaite, hein, à la limite, et parce que cela correspond à l'intérêt public. Donc on est libre, si je suis l'exemple que vous avez donné, on est donc libre, les citoyens, tout le monde, les étudiants sont libres de prendre un article et de le mettre par exemple sur tous les réseaux sociaux en le diffusant très largement, sans demander l'accord du journaliste, sans payer le droit d'auteur. Effectivement, dans un cas de figure comme ça, on n'est plus dans une exploitation normale d'une œuvre. Parce qu'on permet une exploitation ample de l'œuvre. Donc on porte préjudice à l'intérêt légitime de l'auteur de manière peut-être injustifiée. C'est-à-dire que mais dans le domaine de la presse, on pourrait encore se dire que le journaliste, lui, que l'auteur, ça ne dépasse pas. Là, par contre, on pourrait se dire que dans le cadre... D'accord. Ok, mais ça va mieux l'éditeur. Ça va peut-être moins mieux le journaliste, hein, l'auteur. Mais effectivement, on peut imaginer... Donc c'est un cas de figure dans l'affaire de Google, d'ailleurs, que j'ai plaidé il y a quelques années, où j'avais attaqué Google parce que Google avait repris les articles de presse des journalistes sans... Si vous voulez, sans l'accord des éditeurs, qui étaient titulaires des droits par session ou quoi. Donc, en fait, les éditeurs avaient les droits. Et donc, il y avait une perte de revenus, puisqu'on pouvait retrouver, pas seulement pendant quelques jours, mais pendant plusieurs mois, les articles de presse des journalistes sur Google. Perte de revenus pour les éditeurs qui, en parallèle, commercialisaient les articles des journalistes en ligne. Donc, les articles étaient visibles pendant. Ils étaient oubliés pour la diffusion d'informations, et puis les éditeurs mettaient ça dans leur archive et mettaient en ligne l'accès à leurs archives de façon payante. Google, par l'action de Google, tout ce système de valorisation de l'information s'écroulait. Or, vous savez que la presse écrite va déjà pas très bien, c'est vrai que ce schéma elle est aussi à l'encontre de la jurisprudence, de certaines jurisprudences en Belgique. La façon dont Google, entre guillemets, phagocyte tout le parti de toutes les œuvres, Google, et les met sur le réseau sans valoriser la chaîne de droit, posait problème. La question était de savoir est-ce que ça porte atteinte à l'éthique dans la plaidoirie, je ne sais pas si c'est une question d'un législateur, mais le juge devait quand même arbitrer si ce que Google faisait était compatible avec les différentes exceptions au droit de reproduction. Google a d'ailleurs plaidé en faveur, il a perdu à propos de son interprétation des exceptions de reproduction. Mais, donc dans le cas que vous avez cité, on peut se trouver dans une situation où on porte atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Un autre exemple est la photocopie. Pendant des années, la photocopie est apparue comme quelque chose de fond. Les œuvres n'étaient pas menacées par la photocopie. Mais avec le développement des photocopieuses, des développements technologiques, des scanners, on arrive à une situation où il y a effectivement exploitation des œuvres à large échelle. C'est la raison pour laquelle les États, au départ, les États qui n'avaient pas pris de disposition pour régler le régime des photocopies, n'était pas dans une situation d'épargne, pas dans une situation de violer le droit de reproduction. Mais vu l'exploitation qu'il tolérait à large échelle de la photocopie, on pouvait estimer comme ça qu'il ferme les yeux sur cette exploitation très large échelle de la photocopie, amener les États à être complices des violations du droit de reproduction. Parce qu'on avait effectivement une mode de reproduction qui portait atteinte à se dispense d'acheter un ouvrage scientifique, on se dispense d'acheter toute une série de choses parce qu'on a la copie. Et donc, pour éviter de se voir rapprocher au niveau d'un instrument de ne pas respecter le droit de reproduction face à des développements relatifs à la reproduction par photocopie, laser, scanner, etc., les États ont fini par adopter des mesures qui encadrent la façon dont la reproduction à usage privé est faite. Ça s'est donc inséré dans leurs lois, dans les législations nationales, mais en mettant en œuvre une condition d'article 9 par exemple. C'est un bel exemple aussi. Un autre exemple, c'est l'allocation de films aussi, où l'allocation de films est apparue comme extrêmement aussi très confidentielle, et puis a pris une grande ampleur. La difficulté qu'on a eue avec la Convention de Berne, c'était que la Convention de Berne ne vise pas de droit de location. Donc, on pouvait encore se dire qu'il y a la location de films, donc il fait face au coût du droit de reproduction de la Convention de Berne. Et la Convention de Berne ne vise pas le droit de location. Donc, on peut peut-être échapper aux contraintes de l'article 9, paragraphe 2. Bien qu'il soit fait jurisprudence, on considère que le droit de location est dérivé du droit de reproduction et que c'est un démembrement du droit de reproduction. Donc, on doit, dans le cas du droit de location, respecter les exceptions de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne. Ce qui implique donc que pour la location, les États, si on suit ce raisonnement, sont obligés de l'encadrer d'un certain nombre d'exceptions. On ne peut pas la supporter et l'accepter telle qu'elle sans prendre les mesures, mais l'autoriser d'une certaine manière en l'encadrant de conditions qui respectent le monopole de l'auteur. Voilà un autre exemple de limitation. Donc, cette façon de... cette formule un peu complexe, hein, qui implique l'application de critères définis abstraits, comme précisément en droit, de critères qui doivent chaque fois faire l'objet d'une application cumulative et d'une interprétation, vont, ces critères vont permettre de sauvegarder dans une large mesure le monopole de reproduction de l'auteur. Et elles seront, ces conditions seront prises en compte dans le cadre des textes de droit européen qui, eux aussi, vont autoriser certaines exceptions à la reproduction, mais toujours en aidant à rencontrer les conditions abstraites prises par la Convention de Berne. L'exploitation normale de l'œuvre, c'est vrai que c'est un sujet qui... c'est un sujet qui peut donner lieu à discussion. Mais on sent bien que dans la notion d'exploitation normale de l'œuvre, c'est un critère qui peut faire l'objet d'une compréhension assez simple, assez intuitive. L'exploitation normale de l'œuvre, on se rend bien compte que quand on photocopie un ouvrage entier, il porte atteinte à la vente d'une œuvre, d'un livre. Peut-être que comme étudiant, on a moins ce sentiment-là, parce qu'on part à un besoin légitime de passer, d'acquérir de la documentation, et que la pression d'examen ou la pression du cours passe avant le respect du droit de l'auteur. Vous avez beaucoup de professeurs aussi. La pression d'écrire leur livre passe avant, paradoxalement, le respect du droit de l'auteur. Et on voit que je consacre mes collègues qui photocopient des ouvrages entiers simplement parce que c'est trop compliqué de chaque fois demander la consultation de l'ouvrage parce que l'ouvrage est épuisé, qu'il ne trouve plus et que le préintérêt de l'auteur ne fonctionne plus, etc. Il y a toujours de bonnes raisons pour photocopier des ouvrages entiers. Aujourd'hui, néanmoins, la photocopie est encadrée dans la loi belge, on verra ensemble, notamment l'application de l'article 9 de la Convention de Berne. Néanmoins, on ne peut pas photocopier un ouvrage en sa globalité. C'est quand même interdit. Et que c'est possible, de sanctions. Ce n'est pas autorisé par la loi. Donc, quand les professeurs font leur facilité de cours, certains qui reproduisaient des chapitres complets d'ouvrages, ça se discute pas, c'est une violation du droit d'auteur. La faculté de lettres, de philosophie et lettres, je ne sais pas si c'est certain encore, mais j'ai été confrontée à toute une série de situations où des professeurs n'avaient pas simplement illustré leur cours, avec carrément mis dans les annexes la moitié des livres, par exemple, de Gravis. D'avoir été confronté à un cas de figure de stress universitaire de Bruxelles, étant très ennuyé de cette situation et étant attaqué par l'éditeur de la grammaire Gravis. Vous avez toujours, non, vous faites toujours conférence aux étudiants en gestion culturelle à Gravis. C'est fini, ça. C'est fini. Bon, pourtant, une très bonne grammaire pour l'orthographe. Voilà, c'est fini. Voilà pour le droit de reproduction. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Pardon ? Là ? Qui ça ? Quoi ? Là ? C'est l'éditeur en général qui va être inquiet de voir, par exemple, dans un ouvrage scientifique comme une grammaire, l'éditeur va être très inquiet parce que qu'est-ce que les éditeurs scientifique, à quoi songent-ils? Ils songent à commercialiser dans le milieu scientifique, dans le milieu étudiant, dans les facultés. Quand vous êtes professeur de droit, vous faites des ouvrages, la première chose qu'on vous demande, c'est que vous avez des élèves. Voir si l'ouvrage sera rentable. C'est très rentable, c'est plus tellement la diffusion de savoir. En fait, c'est surtout savoir est-ce que vous avez assez d'élèves, est-ce qu'ils achèteront votre ouvrage. Donc, sinon, vous ne serez peut-être pas publié. Et donc, le recours sera à l'éditeur. L'éditeur peut attaquer pour atteinte au droit de reproduction et violation de l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne. Mais ici, il a invoqué la loi belge, parce que la loi belge est applicable de prévoir. Pardon ? Ah, la sanction, vous voulez dire. Non, il va demander d'abord la cessation, probablement. Il va demander que ce soit interdit, qu'on cesse la diffusion de l'ouvrage. Effectivement d'être indemnisé. Il devra faire un calcul de coût, c'est pas évident pour un éditeur. Pardon ? Mais c'est une atteinte automatique hein, puisqu'on viole le droit. Donc il va déjà il y a faute et d'autre part pour évaluer le dommage, il va regarder quel est c'est assez difficile pour un éditeur. C'est pour ça que les éditeurs préfèrent aller en cessation pour empêcher parce que le préjudice est à certains égards potentiel. On ne sait pas prédire combien d'exemplaires il va vendre, sauf si l'auteur, dans son contrat, par exemple, a pu, ou dans les échanges de lettres avec l'éditeur, a pu donner toute une série d'éléments concrets sur la commercialisation de l'œuvre. Ce que certains éditeurs demandent aujourd'hui. Je suis en train de terminer un ouvrage, l'éditeur m'a demandé combien je pensais pouvoir demander de circonscrire le nombre d'exemplaires qu'il pouvait vendre. On est détaillé, ce qui n'est pas simple non plus, parce qu'on ne peut pas prédire combien d'exemplaires on va vendre. Donc voilà pour le droit de reproduction. Pour le droit de. Je vais faire d'autres questions. Pardon, oui. Pour les photocopies. Mais c'est la même, hein. C'est la même. Hein. Pour les photocopies, c'est toujours. Donc c'est le droit de reproduction au niveau international. C'est la fin, c'est porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, c'est quoi c'est préjudice aux intérêts injustifiés, aux intérêts légitimes. On doit pouvoir démontrer ce que c'est ces artistes au niveau international. Et au niveau national, ça je le verrai plus tard, il y a des petits éléments qui ont été additionnels. Mais les qui s'appliquent se fondent au départ sur ces dispositions du droit international. Voilà. En droit belge, on va mettre des verrous plus significatifs, plus matériels. Juste pour être plus clair par rapport à la mise en œuvre de ces critères abstraits. Comme hypothèse d'exception au droit de reproduction, et là j'en viens aux limitations qui feront l'objet d'un autre slide, certaines limitations sont prévues au droit pécuniaire. Mais certaines limitations sont prévues au droit d'auteur. Et un exemple de limitation au droit de reproduction, c'est le droit de citation. Cette exception est prévue dans la Convention de Berne. Il est possible donc de citer une œuvre, ce qui est bien normal, sans enfreindre le droit de reproduction de l'auteur, sans violer le monopole de l'auteur, parce que c'est prévu dans la Convention. La Convention va autoriser la citation, sens que les citations apparaissent comme une infraction de droit d'auteur, une violation de droit d'auteur. Et on a recruté dans ce cas des limitations de droit d'auteur. Alors, la reproduction, elle est donc possible, la libre, ce qu'on va appeler la libre utilisation d'une œuvre, elle est possible dans certains cas, au niveau international. Au niveau national, à nouveau, on va se fonder sur le droit international, tout en spécifiant parfois quelques conditions additionnelles. Mais au niveau international, que demande-t-on ? Au niveau international, on voudra d'une part que les citations soient autorisées, qu'elles sont libres. Lorsqu'elles sont tirées d'une œuvre qui a été licitement publiée, c'est une des conditions. Donc, on ne peut pas citer une œuvre, on ne peut pas citer, si vous voulez, reproduire un extrait d'une œuvre qui n'aurait pas été licitement publiée. Donc une œuvre qui a été rendue accessible, par exemple, au public. Prenons le cas d'une œuvre éditée de la musique qui aurait été éditée de façon pirate. Quelqu'un qui reprend des extraits d'une œuvre musicale qui aurait été éditée de façon pirate ne peut pas se fonder sur un droit de citation musicale, un droit de réexploitation musicale d'un échantillon, par exemple, de l'œuvre, parce qu'au départ, la source même de l'œuvre est illicite. C'est une œuvre qui, dans le cas d'une reprise d'une œuvre piratée, des extraits, la reprise d'une œuvre piratée, son insertion dans une autre œuvre, au regard de la convention de Berne, est considérée comme non conforme aux conditions prévues pour la libre utilisation au titre d'une droit de citation. Il faut au départ, selon la convention de Berne, que l'œuvre soit licitement publiée. Et à partir du fait que l'œuvre est licitement publiée, on peut en reprendre des éléments, on peut en reprendre selon des passages, et là on voit que la convention de Berne a été assez souple, parce qu'il y a des conditions et trop de divergences entre les États, pour se mettre d'accord sur les conditions exactes du droit de citation. La convention de Berne a donné des critères assez larges autorisant le droit de citation. Parce que vous aviez des États qui étaient beaucoup plus demandeurs de larges citations, de larges citations, et d'autres États membres qui souhaitaient ne donner que des courtes citations, comme la France. Le droit français, qui se veut très protecteur des auteurs littéraires, avait souhaité qu'on ne dise que les courtes citations. Et entre le droit français et le droit, par exemple, anglo-saxon, qui était présent dans le cadre de l'Union européenne, on devait trouver un compromis. Et la Convention européenne a trouvé comme compromis des critères assez larges. Le fait que la citation soit conforme aux bons usages, renvoie aux usages d'un État et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Dans ce cas-là, la citation peut être faite, y compris sous forme de revue de presse, qui sera la convention. Donc sont ici les citations qui sont tirées d'une œuvre qui a été licitement publiée, qui sont conformes aux bons usages et qui sont justifiés par le but à atteindre. Vous voyez que les critères ici sont beaucoup plus politiques, c'est beaucoup plus large. La citation est quand même énoncée de façon assez étendue. Il y a néanmoins toujours cette idée que le droit de citation ne peut pas porter atteinte à l'article 9, paragraphe 2. Hein. Pas possible que ça porte atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou à l'intérêt légitime de l'auteur. Donc en plus, on se prive pourquoi que la citation est une reproduction de l'œuvre. Ici, on va additionner des considérations en ce qui concerne les droits de citation. Donc elle doit être faite dans une mesure justifiée par le but à atteindre. Il est possible, les États gardent la possibilité, aussi dans le cas de l'Union de Berne, et c'est l'article 10 alinéa 2, d'introduire des citations à titre d'illustration de l'enseignement. Donc de réserver, de faire des emprunts. Ici, ça va même plus loin que la citation qui disait l'article 10, alinéa 2, mais pour des besoins d'illustration d'enseignement, l'on peut également limiter le droit de reproduction. Les États ont la possibilité d'introduire donc des exceptions au droit de reproduction pour l'illustration d'enseignement. Certains États l'ont fait dans l'Union européenne. faire, d'autres l'ont fait de façon très très modérée, d'autres ne l'ont pas autorisé. Dans le cadre de l'Union européenne, nous avons des exceptions en faveur de l'enseignement qui permettent donc d'illustrer l'enseignement selon un certain nombre de règles à respecter. Mais dans tous les cas, c'est ce qui est prévu aussi au niveau national, il faut faire mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom évidemment figure dans la source. Donc, il faut donc citer la source et le nom d'auteur, d'où effectivement les questions de plagiat que vous connaissez, parce que lorsque vous ne citez pas la source et le nom de l'auteur, déjà plagier une œuvre. Ici, on voit bien qu'au niveau international, la mise en œuvre des citations des auteurs implique le respect d'un certain nombre de verrous. Et c'est notamment les conditions qu'on a vues, mais c'est aussi un élément plus moral qui est la source de l'auteur et la source de l'œuvre, pardon, et le nom de l'auteur. Donc ça, ce sont des conditions qui se retrouvent clairement énoncées dans la Convention de Berne et qui vont encadrer le droit de reproduction. On peut également, dans la Convention de Berne, trouver des exceptions qui vont pouvoir, au droit de reproduction, qui vont pouvoir être invoquées pour faire le compte-rendu d'événements d'actualité. Alors, pour les compte-rendus d'événements d'actualité, il y a aussi la possibilité de déroger au droit de reproduction, mais il faut que l'on s'adresse bien à l'actualité. Donc, ça ne signifie pas que l'on puisse utiliser librement des œuvres sous l'argument et sous l'excuse d'illustrer l'actualité. Ça a été Google. Lorsque Google avait repris les articles de presse, il avait invoqué une participation, on avait été partout, on avait un peu plus de difficultés sur le compte-rendu de l'événement d'actualité, parce que Google prétextait qu'il illustrait l'actualité et que par la mise en ligne de toute une série d'articles de presse, il nous disait que c'est les intérêts du public à être informés, et donc il entrait bien dans le cas du droit d'auteur, dans le cas des exceptions d'actualité. Ce qui était assez intéressant, et ça nous a valu, parce que souvent le droit, on gagne souvent en voyant les éléments factuels, c'est que Google gardait les articles pendant qu'on nous les met plusieurs mois. Parfois c'est 3 mois. On est en dehors de l'actualité. Pour moi, c'est que l'actualité. Si l'actualité, c'est une notion, il ne faut jamais oublier qu'on présente toujours par rapport au monopole de l'auteur qui est la règle, l'exception et donc d'interprétation restrictive. Donc la notion d'actualité, concrètement, elle s'interprète comment ? Elle s'interprète comment la notion d'actualité ? Mais ça s'interprète comment dans ce cas-là ? Ah, j'en garde si vous avez compris, mais c'est quoi ? Si vous n'avez pas compris, je l'explique. C'est ça que je vous ai dit. Alors, ça s'interprète comment la notion d'actualité ? Donc, la notion d'actualité, c'est comme une exception. L'actualité, c'est pas effectivement c'est pas l'histoire, c'est pas ce qui remonte dans l'histoire et qui pourrait faire l'objet d'un droit limite. Ça, c'est sur le contenu. Tout à fait, parce que là, vous mêlez le contenu qui est. Donc, moi, je regarde l'aspect formel, la forme de l'œuvre. Parce que l'œuvre est protégée dans sa forme. Donc, la forme, c'est un article qui vient d'être fait à propos du passé de Donald Trump. D'accord ? L'article vient de se faire. En droit d'auteur, on protège la forme, on ne protège pas le contenu. Vous savez, le contenu, il faut expliquer ça pour les autres scientifiques. Non, on aura dans l'école sur le savoir. Donc, le fait que l'article soit publié et cette mise en forme est récente, à ce moment-là, effectivement, pour des comptes rendus des demandes d'actualité, je peux reproduire l'œuvre librement. C'est intéressant. Le fait qu'il traite de ce qui s'est passé dans l'Antiquité égyptienne ou de Donald Trump, est-ce qu'il ne fait tout ça pour le Donald Trump ? Ça n'a aucun rapport au star. Donc, il a, même s'il intègre, attention, parce que le contenu d'une œuvre, je reviendrai lors du prochain cours, le contenu d'une œuvre n'est pas protégé par le droit d'auteur. C'est la forme elle-même qui est protégée. Donc, c'est un différent, on l'a vu sur la liste d'œuvres au niveau international. Alors, je reviens rapidement à la 3. C'est selon les bons usages. Hein. On sait bien que quand on prend une vidéo, on ne sait pas mettre dans la vidéo nécessairement la source. Hein. Mais on aura peut-être des obligations hein, selon la législation de l'État concerné dans le générique, par exemple. Oui, je vois qu'il y a une petite erreur qui est restreinte à une petite erreur pour le slide. Au niveau des catégories. Donc, impact en droit belge, catégorie traditionnelle de transmission partage, ça c'est lié au droit de traduire. On l'a mis trop haut, donc il faut le descendre et le mettre en dessous, sous le droit de reproduction. Pour ceux qui, ici, hein, les exceptions qui sont là et là, elles doivent se mettre ici. D'accord ? Autre élément du minimum qu'on reconnaît, c'est le droit de représenter l'œuvre. Là, il n'y a pas. Le droit de radiofixer l'œuvre et le droit d'adapter l'œuvre. Le droit d'adapter l'œuvre, je l'avais déjà vu la semaine dernière. Mais j'étais très rapide sur le droit de radiofixer le droit de représenter. Le droit de représenter l'œuvre, c'est, je l'avais évoqué, je crois, pour les œuvres chorégraphiques. Donc, il y avait ou les œuvres théâtrales. Lorsque vous représentez l'œuvre, vous la mettez en scène, en général, de manière immatérielle. Ça doit être une représentation. Donc, le théâtre, une représentation chorégraphique. Et lorsque l'on radiodiffuse une œuvre, c'est tous les modes de communication par la voix de la radio comme par la voix de la télévision. Donc, disons, par radiodiffusion, ici le terme est assez large, et ce qui est couvert par la convention de terme, c'est la communication publique. La communication publique au sens large. La communication publique, elle peut faire l'objet de ce qu'on va appeler une exécution publique. Je fais une exécution publique lorsque je donne un concert. Je livre une œuvre musicale et je fais donc je mets en œuvre ce qu'on va appeler le droit d'exécution publique. Vous pouvez aussi dire que c'est une communication, une question de qualification. C'est juste pour vous faire, pour vous habituer au langage du droit d'auteur. On parlera plutôt pour un concert, pour la musique, de l'exécution publique de l'œuvre. Pour la radiocommunication, la radiodiffusion, on parlera, que ce soit de la radio ou que ce soit de la télévision, on parlera de radiodiffusion. On ne fait pas la différence en général, mais c'est un cas. Et la Convention de Berne va prendre en considération toute forme de communication publique. Donc ça peut être une forme de communication qui se fait soit de façon écrite, soit de façon numérique, par exemple par le numérique. Soit par le fil, avec ou sans fil, le fil étant notamment le câble, la cadre de trouille. Et c'est cette partie en plus de la Convention de Berne qui a permis, notamment en droit belge, de soumettre les câbles distributeurs au régime de droit d'auteur. Parce que, comme c'est chaque fois le cas, lorsque on a des développements technologiques importants, la première attitude de l'industrie qui développe ce type de technologie, c'est de considérer qu'ils échappent au champ d'application du droit d'auteur. C'est classique comme réaction. Et c'est normal parce que lorsqu'on a... Enfin, c'est normal. C'est-à-dire que c'est en tout cas humain. Normal, je ne sais pas, mais humain. C'est humain de tenter de vouloir découvrir ce qui peut être ressenti comme une entrave au développement des nouveaux services que l'on apporte. C'est le cas de Google. Google a tenté de développer également son projet de moteur de recherche sans, pour l'entreprise de la chaîne de valeur du droit d'auteur, en estimant qu'il pouvait se loger dans les exceptions en droit d'auteur. Les canaux distributeurs, c'est pareil. Ils ont, après le développement du câble qui s'est intensifié dans les années 70, les câbles distributeurs ont estimé qu'ils ne devaient pas se soumettre au droit d'auteur. Et il y a eu une bataille juridique dans les canaux Coditel, notamment en Égypte, mais aussi dans beaucoup d'États membres, où le réseau Coditel, aujourd'hui appelé Numéricable, s'est trouvé confronté au titulaire de droit, et notamment un producteur de film, qui estimait qu'il avait été retransmis sur le câble sans son accord. C'est une nouvelle touchée, c'est la film de Chacrole. Il n'y avait pas eu, si vous voulez, de Chacrole. Il y avait donc une revendication à avoir le droit de radiodiffusion respecté, notamment ici le droit de communication, de coproduction du câble, de l'auteur, respecté par les câbles distributeurs. Le droit belge n'était pas clair, on était dans la vieille loi de 1986, c'est-à-dire en Belgique, la retransmission par câble a été réglée par l'article 10 de la Convention de Berne, qui couvre toute forme de communication par fil ou sans fil au public. Et c'est encore le cas, notamment dans certains États membres. Aujourd'hui, nous avons dans l'Union européenne une directive qui règle la question de la retransmission par câble, directive qui a été transposée en droit belge. Et donc, nous avons aujourd'hui des dispositions spécifiques en droit belge pour la transmission par câble qui soumet bien la retransmission par câble au droit de l'auteur. Ça nous vient du droit européen. Notamment suite à cette affaire Chabrol, le boucher, qui a conduit la Cour de justice à reconnaître qu'effectivement, c'était un mode d'exploitation couvert par le droit d'auteur et qu'il fallait donc respecter l'autorisation de l'auteur, ce qui impliquait dès lors qu'il pouvait y avoir, à l'époque, puisqu'on avait une retransmission d'un État membre à un autre État, il y avait un blocage dans la retransmission de l'émission par qui se posait. On opposait valablement le droit d'auteur pour empêcher la retransmission publique en l'absence de l'émission. Donc, c'est toujours la Convention de Berne qui a permis le développement du monopole de l'auteur, à la fois à travers le droit de représentation et le droit de diffusion, et en ce qui concerne le droit d'adaptation, mais le droit d'adapter l'œuvre, comme vous l'avez trouvé, est aussi un droit d'auteur. On ne peut donc pas prendre une œuvre littéraire et l'adapter pour le cinéma sans l'accord de l'auteur. On ne peut pas prendre une œuvre musicale et l'adapter pour le cinéma, l'utiliser au cinéma sans l'accord de l'auteur. Sauf si là, évidemment, est tombé dans le domaine public. C'est pour ça que vous avez toute une série de films qui utilisent de la musique qui n'est plus protégée par le droit d'auteur, librement, parce qu'elle est tombée dans le domaine public. Et de cette façon-là, c'est vrai que c'est gratuit. C'est libre d'utilisation, donc on ne paye rien. Les œuvres, les compositions musicales qui sont adaptées au cinéma, font l'objet d'un accord avec notamment le producteur, mais aussi le compositeur qui va utiliser ses droits. Voilà pour le droit d'adaptation. Une œuvre dérivée peut également être protégée par un droit d'auteur. L'œuvre dérivée, c'est l'œuvre donc qui naît de l'adaptation. Donc voilà pour les droits d'adaptation. Un petit mot encore sur la durée. Les limitations, je les ai abordées. Sur la durée des droits. Alors, la durée des droits, la Convention de Berne prévoit en tout cas une durée de 50 ans, PM, PMA, ça veut dire post-mortem auctoris. Donc, il y a deux types de limitations. Vous avez des exceptions propres aux exploitations, c'est très matériel, puis vous avez des limitations liées à la durée. Le droit d'auteur n'est pas éternel. Il est, au niveau international, limité à 50 ans après la mort de l'auteur, que ce soit pour les prérogatives morales ou pécuniaires. Donc les droits moraux vont au moins expirer. Donc ici, post-mortem autoris, on trouve donc ici une durée de 50 ans, ce qui n'empêche pas les États d'aller au-delà. Alors, d'aller au-delà, dans l'Union européenne, on a opté pour, et donc la Belgique est soumise à un régime de 70 ans, post-mortem autoris, qui est très long. Mais c'est un régime de droit d'auteur qui a été construit sur le régime allemand. Si nous, à l'origine, nous avions 50 ans en Belgique, l'Allemagne avait un régime de droit d'auteur de 70 ans, mais on a fini par aligner le régime de protection à 70 ans pour certaines. Bien sûr, il y a des durées plus courtes, comme vous l'avez évoqué. Pour certains types d'œuvres, la Convention des Dames au niveau international admet que l'on puisse avoir des durées de protection réduites, qui sont des durées des durées qui tiennent compte peut-être du fait que on est peut-être dans d'autres catégories, d'autres formes d'exploitation des œuvres, qui implique que l'on souhaite peut-être accorder un monopole moins long de protection. Je pense que tout est relatif. Pouvoir protéger de façon certaine comme une politique, pouvoir protéger les œuvres photographiques d'une durée plus courte, qui était négociée à Berne, relève au fond peut-être de l'esprit d'époque et du peu de cas qu'à l'époque les délégations, du peu de cas que les délégations avaient à l'égard du statut des œuvres photographiques. Les délégations faisaient peu de cas des œuvres photographiques. Aujourd'hui, c'est pendant longtemps, comme vous l'expliquez, la photographie était considérée en tout cas en droit d'auteur comme un parent pauvre. On a estimé pendant longtemps que les photographies n'étaient pas seulement une œuvre, beaucoup de photographies n'étaient pas des œuvres à part entière. Et donc le fait que les œuvres photographiques soient protégées moins longtemps, puissent être protégées moins longtemps, traduit cette idée que l'œuvre photographique est quand même une œuvre marginale en matière de droits d'auteur. Je crois que l'évolution de la photographie dans l'univers artistique permet aujourd'hui de véritablement reconnaître à la photographie ses lettres de noblesse et ne pas en faire un art mineur. On trouve un peu dans les conventions internationales encore des considérations plus subjectives et plus politiques à la statue de certains. Donc voilà pour la convention de Berne. Alors, vous avez, on a vu dans les grands titres de convention, j'en ai montré sur l'auteur, qu'est-ce qu'une œuvre entre un Belge et quel est l'auteur, quelles sont les prérogatives, je ferai des liens avec ce que j'ai vu dans la convention de Berne, et c'est ce que je vous demande de faire aussi dans la manière dont vous étudiez le cours. Vous devez toujours étudier cette matière en parallèle, parce que les textes se lisent en parallèle. Pour ce qui est de la Convention de Rome, ici on va tomber dans le domaine des droits voisins. Je pense que je vais vous donner une petite explication sur cette Convention de Rome du 10 octobre 1961, qui est une convention qui au départ est restée très confidentielle et qui. Convention qui est restée très confidentielle parce que en 1961, elle était au fond assez ambitieuse quand on voit ça. Pourquoi ? Parce qu'elle, si je vous invite tout à l'heure à parler d'un prochain petit mot, elle rassemble des catégories assez disparates de titulaires de droits, des artistes interprètes, des producteurs et des organismes de droits de diffusion. Ce sont quand même des catégories de titulaires de droits qui ont des modes de fonction des comportements qui ne sont pas tous des créateurs d'abord. Seul l'artiste n'est pas un créateur, il interprète, c'est la seule personne parmi qui l'interprète une œuvre. Les producteurs de phonogrammes fabriquent des phonogrammes, à savoir des fixations musicales, donc des disques, hein, notamment des CD, CD aujourd'hui, mais il y a beaucoup de possibilités de téléchargement, et les organismes de radiodiffusion qui sont les organismes de radio ou de télévision. Alors, pourquoi est-ce qu'on les a rassemblés? Parce qu'ils avaient des intérêts communs, et que tous, quelque part, intervenaient dans le processus de création et que tous souhaitaient voir leurs droits renforcés. C'est vrai que le droit de l'artiste est le droit peut-être le plus proche de celui de l'auteur. Parce qu'un artiste peut, à un certain moment, être créateur dans son interprétation. Il y avait des œuvres ouvertes qui font qu'un artiste va, dans le droit de l'interprétation, écrire le texte, le compléter, il ne va pas se border à l'interpréter, il peut parfois faire œuvre d'auteur. Mais les producteurs de phonogrammes, les organisateurs de la diffusion, ils ne vont jamais être proches d'un créateur d'œuvre. Ils vont tout au plus le réaliser, réaliser l'œuvre, produire l'œuvre sur un support. Enfin, ils vont réaliser en réalité, pas l'œuvre, mais la commercialisation de l'œuvre pour permettre notamment sa diffusion. C'est la raison pour laquelle on a créé en faveur de ces trois catégories disparates. On a créé un droit qui était proche du droit d'auteur et qui est le droit voisin du droit d'auteur. C'est donc pas un droit d'auteur au sens propriétaire, c'est un droit qui est proche du droit d'auteur, qui est inspiré par le droit d'auteur, parce que toutes ces catégories mettent en œuvre les œuvres. Alors l'artiste interprète a souhaité, dans un tout premier temps, obtenir, ces droits qui sont dans la Convention de Rome introduits à l'article 7, et l'artiste interprète a souhaité au départ, celui qui interprète le comédien, l'emblématique, l'acteur, l'artiste interprète a souhaité obtenir des droits normalement plus étendus que ceux que la Convention de Rome va lui reconnaître. L'artiste interprète représenté par les syndicats d'artistes interprètes de l'Union nationale revendiquait à l'origine un droit quasi similaire au droit d'auteur. Mais les auteurs, en 1975, ont fait un lobby très très important pour que, donc les fédérations d'auteurs ont fait un lobby extrêmement important pour que les droits des artistes ne rognent pas ou ne diminuent pas le droit d'auteur. La théorie du gâteau qui a été avancée par les auteurs de manière assez égoïste, et dont on parle toujours aujourd'hui, le fait est que, selon cette théorie du gâteau, vous avez une manne financière à partager qui, si les artistes se voient reconnaître les droits, sera d'autant diminuée, qui diminuera d'autant la part des auteurs par rapport à la part que recevra l'artiste. Donc la part auteur diminuera d'autant par rapport à la part reconnue aux artistes. L'idée étant que le gâteau ne peut pas être partagé et que si on donne la moitié du gâteau aux artistes, les auteurs n'auront plus que l'autre moitié. Pendant très longtemps, les auteurs se sont tout à fait opposés au droit international à ce que les artistes aient la moindre protection. Ça a eu pour impact que, en 1961, au niveau international, on n'a pas pu se mettre d'accord sur un droit exclusif d'autorisation préalable. Puisqu'en droit d'auteur, j'ai bien compris que le droit d'auteur, c'est le droit d'autoriser l'exploitation, et cette autorisation doit intervenir de façon préalable. Ça va ? Donc, si on passe outre, en principe, il y a le droit d'auteur, sauf limitation d'autorisation particulière. En ce qui concerne les artistes souhaitaient obtenir un droit voisin du droit d'auteur, d'autorisation préalable d'utilisation de leurs prestations et de leur don de leur utilisation de leurs prestations, par exemple, soit que leur prestation est radiodiffusée, soit reprise en film. Les artistes estimaient qu'ils avaient droit à autoriser préalablement l'exploitation de leur interprétation. Ce qui leur a été refusé. On a estimé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier, parce que leur rôle était moins important que le rôle de créateur, on a estimé qu'ils ne pouvaient avoir qu'un droit d'opposition, donc un droit d'interdiction, et pas un droit d'autorisation préalable. Donc on a diminué, si vous voulez, leur prérogative, ce qui fait qu'un artiste ne peut pas s'empêcher, en pratique, hein, ça signifie quoi ? C'est que l'artiste ne sait pas, à proprement parler, faire valoir, si on se situe au niveau de la Convention de Rome, hein, on verra qu'en droit, en Belge, la situation est différente. Mais au niveau de Rome, on pouvait donc, c'est-à-dire, passer outre à l'avis de l'artiste, on ne devait pas solliciter laquelle était insérée la prestation de l'artiste, on ne devait pas protéger son documentation préalable. Donc en pratique, on pouvait la diffuser pour autant que l'artiste ne soit pas informé. Et c'est ce qui se passait en pratique très souvent. Les artistes constataient qu'on avait exploité leur prestation après tout. Parce qu'on les avait avertis, on avait vu telle ou telle diffusion à tel moment, ce qui amenait l'artiste. Moi j'ai comme ça pendant toute une époque, j'ai été pour des œuvres anciennes, j'ai eu des artistes interprètes dont on avait repris des prestations, notamment dans de la publicité. Des chaînes de télévision avaient pris des prestations au théâtre de certains artistes, ou des voix d'artistes, sans leur accord, et les avaient diffusées dans le cadre de publicité. L'artiste n'avait pas cette faculté de s'opposer, puisqu'on ne lui avait pas reconnu un droit d'autorisation préalable, il n'avait pas la faculté d'autoriser, puisqu'il n'avait pas un droit d'autorisation préalable, pratiquement, il n'avait pas la faculté du coup de s'opposer, même si juridiquement, on lui avait reconnu le droit de s'opposer. Vous suivez ou pas ? Donc on lui avait reconnu un droit, quelque part, qui est impraticable. Dire que quelqu'un peut s'opposer à la diffusion de son œuvre, alors qu'on ne lui reconnaît pas un droit d'autorisation, il faut encore que cette personne soit avertie de cela. En pratique, on n'est pas averti. Donc en pratique, ce droit d'opposition qui est perçu aux artistes est passé outre. Ce n'est qu'en cas de réexploitation que l'artiste qui avait été au courant de ce qui s'était fait et des exploitations donc, de son œuvre, il n'avait pas pu s'opposer puisqu'il n'était pas informé, en cas de réexploitation de ce type d'exploitation, que l'artiste pouvait alors s'opposer et interférer et intervenir en disant « Vous avez déjà diffusé une première fois ma prestation, je vous ai interdit d'encore le faire une seconde fois. » Donc on intervenait souvent après. C'était le compromis au niveau international, on n'a pas pu aller plus loin en raison du lobby des auteurs. Et si vous lisez les articles 7 et suivants de la Convention de Rome, vous verrez donc que l'artiste a le droit de s'opposer à la réutilisation de ses prestations, qu'il a le droit donc qu'il a le droit de s'opposer aussi à la fixation de sa prestation, mais que ce sont à chaque fois des droits limités. Il n'a pas de droit moral, par exemple, comme l'auteur. Il n'a pas le droit à ce que son nom d'artiste figure sur l'œuvre. Donc ce sont des droits peu étendus qui sont reconnus aux artistes. Alors qu'est-ce qu'on entend par artiste en cas de la Convention de Rome ? La définition est assez large, hein, c'est une forme des personnes qui exécutent à peu près une œuvre, notamment des chanteurs ou danseurs, à ceux qui récitent, déclament, jouent, des œuvres. Donc c'est très très large, en principe pas le figurant. Le figurant est en principe exclu, dans la mesure où sa prestation peut apparaître secondaire. Alors les États ont la possibilité d'élargir les catégories d'artistes et prévoir par exemple que la protection s'étend également aux artistes qui n'interprètent pas une œuvre. Donc ça c'est une faculté que les États ont, qu'ils mettent en œuvre ou pas, c'est une faculté que je recède la Convention. Alors la Convention également, je vais en terminer là, a reconnu deux droits voisins, des droits d'auteur, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion. Et dans ce cas-là, la Convention a reconnu des droits exclusifs. Elle était plus généreuse pour les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Elle a reconnu des droits exclusifs d'autorisation préalable. Ça signifie donc que lorsqu'un producteur de phonogrammes a fixé la première fois de la musique, enfin des sons, lorsqu'il a pour la première fois fixé le son, il a donc réalisé une première fixation de son, il peut s'opposer, on parle de critères abstraits, à ce que quelqu'un reproduise cette première fixation sans son accord, ou à ce que quelqu'un réutilise cette première fixation sans son accord. Qu'est-ce que le législateur international a souhaité ici favoriser ? La protection de la piraterie, comme vous l'avez exposé. C'est le fait d'éviter que l'on puisse reprendre cette première succession de sons. Pour parler de musique par facilité, pour vous éclairer sur un exemple concret, il y a un producteur qui fait une première succession d'un disque ou d'un CD pour s'opposer à ce que quelqu'un d'autre produise ce CD ou le publie dans certains spectacles. Donc il faut nécessairement là l'autorisation préalable au niveau contractuel du producteur. Voilà ce que prévoit donc la Convention internationale. Elle prévoit donc un régime d'autorisation préalable, surtout pour permettre aux producteurs de sons, de première succession de sons, de se préserver de la piraterie. Et les organisateurs et les diffuseurs, de la même manière, ont obtenu ce droit exclusif sur leur émission de télévision, de manière à ce qu'ils puissent également être protégés à l'encontre de la piraterie des émissions télévisuelles. L'origine de la protection par droit d'auteur des droits d'auteur des producteurs et des organismes de radiodiffusion s'explique par la volonté de lutter contre la piraterie qui s'est développée dans ces années-là. Et le droit d'autoriser qui leur a été reconnu d'abord parce qu'ils étaient plus puissants en termes de lobby que les artistes à l'époque, parce que les enjeux financiers étaient trop plus importants. C'était l'investissement même des producteurs et des organismes de radiodiffusion qui était en jeu. Or, vous vous souvenez que dans l'historique des droits d'auteur, je vous avais exposé que c'est aussi la volonté de protéger l'investissement qui avait amené les législateurs à reconnaître une protection notamment par les privilèges aux éditeurs et que par la suite, le droit d'auteur a été accordé aux auteurs, mais c'est cible à l'éditeur pour lui permettre d'obtenir une protection suffisante de son investissement. Donc on retrouve cette même logique ici, plus tard, au XXe siècle, où c'est la volonté de protéger ces deux titulaires de droits pour des raisons économiques à l'encontre de la piraterie. Bien entendu, tant les producteurs de phonographes que les organismes de radiodiffusion n'ont pas de droits moraux. Hein, puisqu'il n'y a pas, de raison d'avoir des droits moraux. Ils ont des droits voisins du droit d'auteur. Et je verrai la fois prochaine encore quelques éléments là-dessus, bien montré sur l'accord de l'OMC pour démarrer ensuite sur le droit national. Je donnerai pour les autres cours, je pense que je vais quand même gagner un peu de temps, une bonne question, je crois, de 2 à 4, pour être certaine, pas de 2 à 3,5. Il n'est pas court en fait. Le jeudi ? J'avais une question, je ne sais pas si ça arrangerait tout le monde ou même vous. Mais plutôt que de prendre par exemple ce jeudi et le mardi d'après, pourquoi ne pas prendre les 2 heures en 4 heures? Oh, d'accord. Oui, je vais beaucoup, parce que c'est mon problème, je vais le cours après. Oh, d'accord. Oui, une partie en tout cas, certainement. Peut-être pas tout, parce qu'il y en a qui sont moins intéressants. C'est pour le jeudi. C'est ça qu'on avait dit, 13h30, 14h. Ah. Et le mardi, elle a dit midi encore, et c'est moi qui ai écrit midi 2, parce que... Midi quel... Comment là, c'est moi qui ai écrit, parce qu'elle a dit le midi, donc j'ai pensé et considéré que c'était ça. Mais là, elle a dit 13h30, 14h. 13h30, 14h Ça fait 1h30. Oui, je peux prendre le matin, mais j'ai pris une femme de 8h30. Mais de toute façon, c'est ça. Tu sais, elle est midi.